Voici les paroles des autres. Le vol de ma radio trop fort, à qui les paroles des autres, à essayer de chanter encore sans défoncer les côtes. Le vol de ma radio trop fort, à qui les paroles des autres, à essayer de chanter encore sans défoncer les côtes. Et cette fois-ci, on écoute la chanson thème de la chronique d'Alexandra Carignan, La boîte à musique. C'était la chanson thème de la chronique d'Alexandre Carignan, La Boîte à Musique. C'était donc Caravan Palace et la chanson Dragon, Dragons, sur leur album Caravan Palace, qui est leur premier album, savais-tu ça, Steph, sorti en octobre 2008? Non. Mm-hmm. Ben, je savais que c'était Caravan Palace, mais je savais pas que c'était leur premier album sorti en 2008. En effet, l'album qui a performé le plus en France, qui est le pays d'où vient Caravan Palace. Ça a atteint la position numéro 11 en août 2009. Et c'est resté sur les palmarès français pendant 68 semaines consécutives. Je peux comprendre parce que c'est tellement bon, je pense que c'est unanime. Exactement, je pense que tout le monde aime ça. Évidemment, c'est la chronique où on met absolument jamais personne en contexte du fait que c'est la chronique où on joue les chansons thèmes des chroniques des autres. Et Charles-Antoine Rioux me demandait, là, est-ce qu'elle la joue pas au complet à chaque semaine, n'est-ce pas? Oui, ou si elle la joue, c'est pas avant la chronique, parce que sinon l'introduction à la chronique serait assez longue. Un petit peu long, ouais. Non, on parle par le sujet. On a le temps de perdre le fil de pourquoi on est là. Donc c'est ça, les paroles des autres, on fait ça quand on a le temps, à Assemblage Requis, on joue la chanson thème d'une chronique ou d'une émission dans l'univers Mathieu Plante, que ce soit moi, toi ou les autres. Mathieu Plante. Mathieu Plante, ça c'est moi. Ouais, mais t'as dit Mathieu Plante, que ce soit moi, toi ou les autres, ça implique que plus qu'un Mathieu Plante. On est tous Mathieu Plante, un ouais. peu quelque part en dedans de nous. Ah, chacun un bout de Mathieu Plante, il y en a assez pour tout le monde en passant dans mon pantalon. Donc, on transitionne. C'est tout un morceau de ça. C'est un méchant steak, c'est ça. Un saucisson. Un saucisson.